être au-dessus de toi, au-dessus des lois, par-delà les terres, un chariot lancé, abri d'abattu, une vie menée à bâton rompu. Mais le temps me manque, presque autant que le courage. Toi aussi tu me fais défaut. Mais faut.